Bonsoir à toutes et à tous, permettez-nous d'interférer dans le programme habituel de votre soirée, arrêtez tout ce que vous faites, car aujourd'hui, c'est mercredi. Et mercredi, tout le monde le sait, c'est interférométrie. Ce soir, on vous parle d'une technique qui a révolutionné l'astronomie, et d'un instrument de pointe dont vous avez déjà probablement entendu parler, Gravity. Non, pas le film à gros budget, mais une grosse machine qui nous permet de regarder le ciel autrement. Nous sommes le mercredi 18 novembre de l'an de grâce confiné 2020, vous écoutez l'épisode 428 de Podcast Science, bienvenue! Ce soir, autour de la table virtuelle, nous avons avec nous Cléora depuis Perduville. Salut à tous. Nous avons Robin depuis Paris. Salut. Nous avons Joanne depuis Paris. Salut. Et notre invité Thibaut, confiné à Paris lui aussi. Bonjour. Du coup, je vais laisser la parole à Joanne pour commencer l'émission. Merci beaucoup Thibaut d'avoir accepté notre invitation sur Podcast Science. Thibaut, tu es un collègue à moi, on travaille dans le même labo, donc tu es chercheur au CNRS, au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation d'astrophysique, le LESIA, et tu es spécialiste de trous noirs et d'interférométrie. Et je voulais t'interviewer en fait depuis longtemps parce que je voulais parler d'interférométrie, mais je me suis dit qu'à l'occasion de la remise du prix Nobel de physique à Andrea Ghez et Reinhard Genzel, c'était une bonne occasion parce que c'est un de tes collègues assez proche. Si j'ai bien compris, je crois que tu as fait un postdoc avec lui il y a une quinzaine d'années, c'est ça ? Exactement, j'ai travaillé dans son équipe de 2003 à 2006. Voilà. Donc c'était ça, Gravity, l'instrument dont on va parler ce soir, et l'interférométrie était citée parmi les instruments qui ont aidé à la caractérisation de Sagittarius A étoile, donc le trou noir dont on va parler spécifiquement ce soir. Donc on va commencer par faire une petite introduction sur l'interférométrie, parce que c'est pas évident comme technique, on a du mal souvent à se comprendre comment ça marche. Et puis dans une deuxième partie, on va aussi parler spécifiquement plus de son utilisation pour les trous noirs. Et on fera un petit interlude au milieu avec un étudiant, enfin un postdoc qui a fait sa thèse aussi dans notre labo jusqu'à l'année dernière et qui a utilisé Gravity pour une autre application pour les exoplanètes. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai oublié de dire des choses en te présentant, trou noir et interférométrie, je ne sais pas si tu as d'autres spécialités. Non, c'est ça, c'est bien. D'accord. Ça. Voilà, donc est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un tout petit peu ce que c'est que l'interférométrie et en quoi est-ce que c'est différent de la prise d'image avec un télescope normal par rapport à ce qu'on fait d'habitude ? Alors, l'interférométrie, ça consiste à récolter de la lumière avec plusieurs télescopes ou plusieurs ouvertures et combiner cette lumière pour former des interférences. C'est pour ça qu'on parle d'interférométrie. En fait, c'est lié au fait que la lumière, ça a une nature ondulatoire. Et si on imagine quelqu'un qui battrait en rythme sur une surface d'eau, par exemple, avec les deux mains à la fois au même rythme, ce mouvement-là va à la surface de l'eau former des vaguelettes. Et ces vaguelettes vont aller au même rythme et en même temps. Et là où ces vaguelettes vont se combiner, vont se chevaucher l'une l'autre, il y a des endroits où les vaguelettes vont s'additionner l'une à l'autre. On va avoir en fait des interférences positives et des endroits où les vaguelettes vont être en opposition de phase. Donc on aura une crête d'une vaguelette de la main gauche qui arrive en même temps qu'un creux d'une vaguelette de la main droite, et qui au final, l'ensemble, la sommation de ces deux jeux de vagues, ça va nous faire un système où le niveau de l'eau, très localement, ne va pas bouger du tout. Et ce qui se passe avec l'interférométrie, c'est ça, c'est que on a une onde qui se propage, qui rentre par deux ouvertures, et on a au final, quand on recombine cette onde qui est passée par deux endroits, la façon dont elle interagit, dont ce qui est passé par un certain télescope interagit avec ce qui est passé par l'autre télescope, il y a des endroits où ça va s'additionner et nous faire une plus grande amplitude de cette onde, et des endroits où, au contraire, les ondes vont interférer négativement et ne pas produire de signal. Alors ça c'est vraiment la base. Ce qui se passe, c'est que quand on analyse comme ça les endroits, quel est ce profil, quels sont les endroits où les ondes s'additionnent, les endroits où elles se soustraient plutôt l'une à l'autre, ça va nous donner une information ça va nous donner une information très précise sur l'objet qui a produit cette onde qu'on a fait passer par deux télescopes à la fois, en fait. Alors, tu me demandes quelle est la différence par rapport à de l'imagerie qu'on ferait avec un seul télescope. Bien sûr, quand on fait de l'image avec un seul télescope, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on a un miroir qui se trouve être parabolique, et ce miroir va faire simplement converger tous les rayons de lumière qui viennent d'une certaine source en un certain point. Comme ça, on forme une image, et une étoile dans le ciel provoque une image à un endroit donné dans le plan focal du télescope. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette image d'une étoile, c'est pas pile poil un point, c'est pas exactement un point, elle est légèrement étendue pour plusieurs raisons, mais pour simplifier, on va oublier en fait qu'il y a une atmosphère sur Terre. La taille de l'image d'une étoile dépend en fait de la taille du miroir qu'on utilise. Parce que quand je prends un miroir qui est petit, en fait, je coupe de l'information, j'enlève de l'information. Pour reproduire parfaitement l'image que j'ai sur le ciel, il faudrait que je récolte toute l'information possible avec un télescope infini. À partir du moment où je prends un télescope qui a une dimension finie, je perds de l'information, et cette perte d'information, elle se caractérise par le fait que chaque étoile provoque une tache qui a une dimension qui n'est pas infiniment petite. C'est la résolution du télescope. Et en fait, ça, en soi, ce qui fait cette tâche, il se trouve que ça peut s'interpréter comme des interférences. C'est-à-dire que, si j'ose dire, quand on fait une image avec un télescope unique, avec un miroir unique, sans le savoir, on fait de l'interférométrie. Si je découpe mon télescope en tout un tas de sous-parties, eh bien, c'est les interférences créées entre chacune de mes sous-parties du télescope, du miroir, qui me créent cette image. Voilà. Et quand on fait de l'interférométrie, ce qu'on fait, en vérité, c'est ça. C'est qu'on prend deux bouts de miroir qui peuvent être très éloignés l'un de l'autre, et on va faire en sorte que l'onde qui arrive sur l'ensemble de ces deux miroirs, eh bien, tout se passe comme si c'était un seul miroir qui a cette forme-là et cette dimension-là. Essentiellement, c'est ça. Le truc, c'est qu'en pratique, c'est pas si facile que ça de prendre, par exemple, quatre miroirs, de les aligner les uns avec les autres et de recombiner pour faire une image. En pratique, c'est compliqué technologiquement parce que ça ferait des gros faisceaux, etc. Du coup, en pratique, on fait pas exactement comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque paire de télescopes. Pour chaque paire de télescopes, on va créer un réseau de franges d'interférence, et on enregistre de ce réseau de franges d'interférence deux informations qui sont le contraste de mes franges d'interférence, c'est-à-dire des espaces qu'il y a entre les endroits entre deux endroits où mes ondes interfèrent de façon positive en créant des grands pics dans l'amplitude de l'onde qui arrive, et puis la phase, la position où se trouve ce réseau de franges. C'est ça, j'enregistre ces deux informations-là pour chacune de mes paires de télescopes, et il se trouve que ces deux quantités-là ça représente en réalité la... C'est la transformée de Fourier de l'objet, finalement, de l'image qui m'intéresse. Donc, il faut faire une opération mathématique qui est la transformée de Fourier inverse pour récupérer l'image que je souhaiterais avoir. Voilà. Donc, on avait fait un épisode spécifique, oui, sur la transformée de Fourier. Alors, je me souviens plus lequel c'était. C'est un vieux. C'est autour du numéro 100. Mais en gros, oui, ça te permet d'accéder directement à l'information fréquentielle de cet objet-là. Donc, tu as une information qui est très spécifique dans le plan fréquentiel. Je crois que tu as une question, Léa ? Oui, moi, c'est juste, je ne suis pas du tout calée en physique. Du coup, il faut me parler avec des images très bêtes pour m'expliquer la physique, sinon je ne comprends pas tout. Donc, quand on parle d'ondes qu'on analyse avec ces télescopes, ces miroirs, etc., on parle forcément d'ondes lumineuses dans ce cas-là ? Tout à fait. Ok. Ça ne peut pas être autre chose, un autre type d'onde ? Ah, des interférences, on pourrait en faire avec n'importe quel type d'onde. D'accord, mais en l'occurrence... Mais là, on parle d'interférométrie disons qu'en astrophysique, il y a essentiellement un médium, c'est la lumière, c'est les ondes électromagnétiques. C'est ça qui traverse tout l'univers assez efficacement, et c'est surtout ça qu'on va... C'est à partir de là qu'on récolte de l'information sur les astres. Alors, il y a d'autres médias... qui sont les neutrinos, qui sont les ondes gravitationnelles. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les ondes lumineuses. Mais par exemple, sur les ondes gravitationnelles, on pourrait tout à fait imaginer faire de l'interférométrie. Ok, donc c'est toute interférence qui peut y avoir entre des ondes est interprétable comme une information donnée. Exactement. Ok. Et j'avais une question aussi, pardon. On est d'accord que... Parce que alors moi je suis matheux, donc la physique je suis pas forcément toujours doué non plus. Quand ça commence à être concret, je suis perdu. Quand on parle d'interférence, c'est qu'en gros on va prendre l'image récupérée sur un télescope et on la superpose à l'image récupérée sur l'autre. Ou c'est pas ça? Est-ce que on a besoin de superposer les deux informations pour voir dans... Exactement. Alors on pourrait faire ça, et sur certains interféromètres, c'est comme ça que ça marche. C'est que on forme deux images dans un même plan focal. On pourrait faire ça et avoir directement les interférences dans ce plan focal combiné. Dans Gravity, c'est pas exactement ça qu'on fait. Disons que ça revient à ça, mais à un moment, on va prendre dans une fibre optique le signal d'une étoile. Pour un télescope, dans une fibre optique, le signal de la même étoile pour l'autre télescope, et c'est avec ces fibres optiques qu'on va finir par arriver, qu'on va recombiner les signaux. Ok, donc c'est... Donc là, maintenant, on a pas mal de... On va en parler, là, tu viens de parler de Gravity, donc c'est un instrument qui est relativement récent au VLT, donc c'est pas quelque chose qui est particulièrement récent, l'interférométrie. C'est utilisé depuis quand environ en astronomie? Alors, les premiers travaux, je dirais théoriques, les premières expériences en laboratoire sur l'interférométrie, c'est l'expérience d'Young, en 1801, donc c'est pas tout nouveau. C'est quelque chose que je pense beaucoup d'entre nous ont pu voir en classe avec des expériences très simples au lycée éventuellement. Par contre, alors les applications astrophysiques, elles sont plus récentes parce que la principale raison, c'est que les objets astrophysiques, les étoiles, les planètes, les galaxies, etc., sont des objets qui sont quand même très faibles. Et pour que l'interférométrie fonctionne, si on veut faire passer... Alors dans l'expérience des trous d'Young, on a des trous qui sont de la taille d'une tête d'épingle, qui sont très petits. Donc pour que cette expérience-là fonctionne, il faudrait qu'il y ait énormément de flux. Donc d'abord, il a fallu améliorer la méthode elle-même, le faire fonctionner sur des plus grandes ouvertures que des têtes d'épingle, hein, faire fonctionner ça avec des télescopes. Et puis, il a fallu avoir des détecteurs qui permettent de mesurer cette luminosité avec alors qu'il y a finalement assez peu de photons qui arrivent chaque seconde. Et au final, la première vraie mesure astrophysique, elle date de 1920, On la doit à Michelson, au mont Wilson, et il a mesuré en 1920 pour la première fois la taille d'une étoile, et cette étoile, c'est Betelgeuse, qui est une des étoiles les plus brillantes du ciel, et c'est aussi l'étoile la plus grande vue du ciel. Enfin, vue de la Terre, c'est l'étoile qui a la taille apparente la plus grande. Et du coup, elle fait quelle taille ? Enfin, est-ce qu'on a un ordre de grandeur par rapport au Soleil, par exemple, ou... Alors, sa taille apparente, c'est 40 millisecondes d'angle de mémoire. Je suis à peu près sûr que c'est 40 millisecondes d'angle. Alors, pour vous rappeler, dans un tour complet, il y a 360 degrés. Dans un degré, il y a 3600 secondes. Et là, on parle donc de 40 millièmes de seconde. Ça fait petit. Le soleil, oh, j'ai un affreux... J'ai triché sur Wikipédia, donc là j'ai la réponse. Elle n'est pas extrêmement... Je ne sais pas si on a une mesure plus précise, mais on parle de 1000 rayons solaires environ. Donc elle est 1000 fois plus grosse que le soleil. Oui, pour la taille réelle. Oui. Pour sa taille réelle, en kilomètres, quoi, si on mettait le soleil côte à côte, effectivement le soleil serait 1000 fois plus petit que Betelgeuse, de cet ordre-là. Par contre, si on veut comparer les tailles angulaires, c'est assez nettement... excusez-moi, mais je n'ai plus en tête la taille apparente du Soleil. Il me semble que c'est un demi-degré. C'est autour du degré, oui, je crois que c'est un degré là, environ. Ouais. C'est la Lune et le Soleil, je crois que c'est environ un degré, mais je ne suis pas sûr. C'était pour avoir une idée de la vraie grandeur. Du coup, si on observait le Soleil depuis Bételgeuse, est-ce qu'on le verrait avec notre télescope? Si on regardait le Soleil depuis Bételgeuse, il serait 1000 fois plus petit en taille apparente que Bételgeuse n'est en taille apparente vue d'ici. Ouais. Et donc, il ferait 40 microsecondes d'angle. Et ça, ce serait nettement trop petit pour qu'on arrive à le résoudre, même avec Gravity. Ok. Ce genre de taille... On arrive à le faire désormais avec quelque chose dont je pense qu'on parlera plus largement plus tard, en ondes radio. Les interféromètres en ondes radio atteignent ce genre de résolution parce que, les interféromètres en ondes radio, il y en a un en particulier qui fait la taille de la Terre tout entière avec des antennes radio à travers toute la surface du globe. Il y a en particulier ce Event Horizon Telescope qui a des antennes à travers toute la Terre, ça leur permet d'avoir en radio une résolution qui est de cet ordre-là. Le truc, c'est que le Soleil n'émet pas de façon conséquente, en tout cas, des ondes radio. Ok. Donc oui, ça c'était une question qu'on avait, on a fini par y arriver assez rapidement. Donc est-ce qu'on fait... Là, l'interférométrie dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est de l'interférométrie optique. Est-ce qu'on peut faire ça avec toutes les ondes électromagnétiques ? Donc bah oui, là tu viens de le dire, en radio. C'est quoi un peu les différences entre les ondes, les interféromètres radio et les interféromètres optiques ? Est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer un interféromètre optique où on ferait, comme dans le cas de l'Event Horizon Telescope, un télescope en Amérique du Sud, un télescope en Australie, un télescope au Japon, et on pourrait faire des interférométries comme ça d'un bout à l'autre pour utiliser l'énorme résolution qu'on pourrait obtenir si on faisait toute la Terre. Alors, tout d'abord, il y aurait un énorme intérêt à faire ça parce que la résolution, elle dépend de la longueur de la ligne de base, donc plus on va avoir des télescopes qui sont éloignés et plus on va gagner en résolution. Et vraiment, c'est linéaire par rapport à la ligne de base. Donc, si on passe de 100 mètres à 1 km, on gagne un facteur 10. Si on passe à 10 km, on gagne un autre facteur 10. Si on passe à 1000 km, ça devient vraiment intéressant. Et ça dépend aussi de la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est courte, plus la résolution est bonne. Or, les ondes radio, c'est à grande longueur d'onde. C'est de l'ordre du... disons que là où travaille le HT, c'est de l'ordre du millimètre ou un petit peu en dessous du millimètre. C'est des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de quelques centaines à 1000 fois plus grandes que ce qu'on fait avec Gravity. Donc on pourrait gagner un facteur de quelques centaines à 1000 en travaillant comme ça dans l'optique sur un interféromètre de la taille de la Terre. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas faisable. À l'heure actuelle, ce n'est pas faisable. Et ça tient à ce qui est l'inverse de cette longueur d'onde, justement, qui est la fréquence de l'onde. Le truc, c'est que en onde radio, ce sont des ondes qui ont une grande longueur d'onde, donc une faible fréquence, c'est-à-dire qu'elles sont relativement lentes. Moi, il y a des ondes radio qui me traversent, ou si je suis une antenne, il y a des ondes radio, une onde radio me traverse, et les crêtes des vagues, finalement, sont temporellement relativement séparées les unes des autres. Est suffisamment séparées, en fait, pour que l'électronique, les méthodes électroniques arrivent à enregistrer le signal. En radio, on arrive à enregistrer vraiment l'onde elle-même, la succession de crêtes et de creux de ces ondes. Ce qui fait qu'on peut enregistrer sur une antenne à un bout du monde, en même temps qu'on enregistre sur une antenne à l'autre bout du monde. Alors il faut aussi avoir une très très bonne datation de ces ondes, donc ça suppose des horloges atomiques qui sont bien réglées entre elles, etc. Mais on enregistre entièrement les ondes, et une fois que c'est enregistré, on a tout son temps. On peut envoyer les fichiers par Internet, on peut les mettre sur un support, sur un disque, et puis traverser, prendre l'avion, aller ensuite sur un gros ordinateur et faire la recombinaison a posteriori, de façon synthétique, sur ordinateur. Et ça, par contre, ça ne marche pas aux longueurs d'onde qui sont celles, aux longueurs d'onde qu'on va dire optiques, qui sont le visible, la lumière visible, qui sont la lumière infrarouge à laquelle travaille Gravity. Tout simplement parce que la fréquence est bien plus élevée en infrarouge et que l'électronique n'est pas assez rapide pour enregistrer l'onde elle-même. Tout ce qu'on peut faire, c'est enregistrer le résultat, c'est enregistrer l'énergie déposée sur un détecteur, et ça suppose d'avoir l'onde qui se dépose pendant un certain nombre pendant une succession de ces crêtes. Donc on doit faire la recombinaison de façon optique, c'est pour ça qu'on parle d'interférométrie optique, c'est-à-dire avec un jeu de miroirs, éventuellement des fibres optiques, envoyer la lumière sur un détecteur qui est venu par les deux télescopes, faire les interférences de façon optique, et enregistrer sur le détecteur l'énergie qui est déposée. Ce qui fait qu'il faut transporter donc la lumière en temps réel d'un télescope entre les deux télescopes. Et ça, on sait le faire sur quelques centaines de mètres. À la limite, on sait le faire sur 1 km par fibre optique, mais on a des fortes pertes. Les fibres optiques vont absorber une partie du signal, ce qui fait que ce n'est absolument pas praticable au-delà de quelque chose comme 1 km. D'accord. Les plus grandes bases, oui, d'un interféromètre optique, c'est de l'ordre de la centaine de mètres maximum. Même pas. Exactement. Ouais. De 300 mètres de mémoire, ça doit être le plus long à l'heure actuelle. Mais il est pas question de trucs qui étaient à des kilomètres l'un de l'autre, justement. J'ai raté une étape. Ceux qui sont à des kilomètres l'un de l'autre, du coup, c'est en onde de radio. C'est en radio. D'accord. Je crois qu'on a passé l'étape. Quels sont les interféromètres qui existent actuels? Donc, en onde radio, donc on peut en citer. Il y a l'Event Horizon Telescope, dont vous avez sans doute entendu parler l'année dernière, parce que c'est eux qui ont créé cette image du trou noir dont on a beaucoup entendu parler. Ce cercle orange là, ça a été fait en interférométrie radio, avec un interféromètre qui faisait du coup la taille de la Terre. On peut citer aussi ALMA, je crois, qui est un interféromètre radio, qui est assez connu. Et puis pour les interféromètres optiques... Attends, d'abord, sur les interféromètres radio, on est, je crois, obligé de citer le VLA, qui est extrêmement connu, qui date des années 70 et qui fonctionne encore au Nouveau-Mexique. Et je pense qu'il y a une précision qui peut être intéressante. Qui est dans un film, je pense que pas mal de gens ont vu, qui est celui du film Contact. Exactement, il est dans plusieurs films. Je suis presque sûr qu'on le voit aussi dans 2001 ou dans 2010. D'accord. et probablement dans des épisodes de Starsky & Hutch et dans des trucs. C'est un des sites qui a été vu pas mal au cinéma. C'est pas le seul. Parce que l'astronomie propose des paysages merveilleux avec des machines génial, et du coup, on les voit dans les films. Et non, ce que je voulais dire, c'est que l'EHT, en fait, c'est pas en soi un c'est un interféromètre, mais c'est pas en soi un observatoire. C'est justement la recombinaison. Il pratique en fait la recombinaison entre tous ces observatoires. Il s'agit d'équiper les télescopes qu'il y a au VLA, à ALMA, en Europe, en Australie, en Afrique, un peu partout, avec des détecteurs qui sont similaires. Et ensuite, on recombine tout ça. Voilà. Et d'accord. Et pour les interféromètres optiques ? Alors, les interféromètres optiques, il y en a et il y en a eu un certain nombre, mais il y en a deux qui sortent du lot à l'heure actuelle, pour les ondes infrarouges en tout cas, celles où j'étudie personnellement, qui sont Chara au mont Wilson. Le mont Wilson, c'est là où Michelson a fait sa première mesure en 1920 de la taille de Betelgeuse. Donc c'est tout près de Los Angeles. Ouais. Qui est tout près de Los Angeles. Et cet interféromètre qui s'appelle Chara maintenant, c'est un interféromètre moderne où les télescopes font 1 mètre de diamètre chacun et il y en a 6. Donc on est capable de recombiner la lumière de 6 télescopes. Et alors ce qui est très important en interférométrie, c'est le nombre de lignes de base, donc le nombre de paires de télescopes en fait. Et avec 6 télescopes, ça fait 6 fois 5, 30 divisé par 2, 15, on doit avoir 15 bases en parallèle. Donc dans notre transformé de Fourier, on mesure 15 points à la fois. L'autre interféromètre très important, c'est le VLT, le VLTI, l'interféromètre du VLT sur le mont Paranal au Chili, dans le désert d'Atacama. Le VLT, c'est quelque chose qui est quand même très connu par tous les amateurs d'astronomie. Là, on parle de 4 télescopes qui font chacun 8 mètres de diamètre. Alors, il n'y en a que 4, c'est moins que 6, ça ne fait que 6 lignes de base à la fois au lieu de 15. Par contre, ils sont très grands par rapport au télescope de Chara. Ce qui fait que, en principe, on peut collecter plus de photons et donc observer des sources nettement plus faibles. Chara est très intéressant parce que les lignes de base, la plus grande, c'est 300 mètres. Donc ça permet d'avoir une très bonne résolution avec beaucoup de lignes de base simultanément. Donc une qualité d'image qui est bonne. Par contre, le VLTI, un petit peu moins de télescopes, des lignes de base qui sont un petit peu plus courtes, mais des télescopes plus grands qui vont permettre d'aller observer. Je veux dire, ce qu'on a fait sur le centre galactique, sur le trou noir au centre de la Voie lactée, ce n'est pas faisable sur Chara en raison de la taille des télescopes, tout simplement. Pardon, j'ai peut-être loupé un truc, mais est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est qu'une ligne de base ? Ah pardon, une ligne de base, c'est une paire de télescopes. C'est le vecteur qui sépare deux D'accord. télescopes. Je ne sais plus si tu l'as dit ou pas, mais du coup, j'avais plus le bon. Je ne suis pas sûr que tu as dit le mot ligne de base, mais oui, c'est donc plus cette ligne de base est grande, plus on arrive à obtenir une très bonne résolution et du coup, Exactement. On arrive à avoir des objets petits. Ok. Et du coup, sur un télescope interféromètre, en fait, du coup, il peut y avoir plusieurs instruments. Et donc, Gravity, c'est un des instruments du VLT. Tout à fait, Gravity c'est un des instruments du VLTI, du mode interférométrique du VLT. Chacun des 4 télescopes a ses propres instruments qui sont derrière chacun des télescopes. Voilà, on peut choisir d'utiliser chacun des télescopes individuellement avec un imageur classique, un spectromètre classique, etc. Ou bien on peut décider pour une nuit d'observation de collecter la lumière des 4. Renvoyer ça sur des jeux de miroirs qui vont aller dans le laboratoire d'interférométrie et être recombinés sur un des instruments. Alors le VLT, il a vu sa première lumière, probablement pas les 4 télescopes en même temps, j'ai plus la mémoire exacte des dates, mais c'était les années 2000, vraiment les années 2000. Et il y a eu dès le départ un certain nombre d'instruments interférométriques qui au départ étaient... Bon, ce qu'on savait faire à l'époque, et puis en même temps, c'était très nouveau de faire de l'interférométrique sur des télescopes de 8 mètres, ce qui pose des problèmes assez spécifiques. Et il y a eu des instruments qui étaient capables de recombiner la lumière de 2 télescopes, et puis la lumière de 3 télescopes. et puis à des, dans des bandes spectrales ou à des longueurs d'onde un petit peu variées entre, dans le proche infrarouge. Et Gravity fait partie en fait de la seconde génération d'instrumentation sur le VLTI. Gravity a pris vraiment, a appris les leçons, a tenu compte des leçons qu'on a apprises grâce à la première génération et a permis de faire vraiment un saut en avant sur la qualité des mesures que l'on fait et d'atteindre un petit peu la limite, d'atteindre pratiquement la limite de ce qu'on peut faire avec ce télescope. Et alors je dis pratiquement parce que nous sommes en train de travailler à une mise à jour maintenant de Gravity et du VLTI lui-même. Cette mise à jour, on l'appelle Gravity Plus. C'est juste parce que c'est Gravity, mais plus. Et le but, c'est de gagner un facteur 100 en sensibilité. Et un facteur 100 en sensibilité, c'est assez énorme. Ça va nous permettre, par exemple, de mesurer la masse de trous noirs jusqu'aux confins de l'univers, en fait. Tout simplement. C'est le cas scientifique principal, c'est ça. Ça devrait nous permettre aussi de détecter directement, de façon directe, la lumière d'un certain nombre de planètes autour de leur étoile, quelque chose que Gravity a fait également. La mesure de la masse de trous noirs à travers l'univers, Gravity l'a fait sur quelques galaxies. Là, on parle de le faire sur des centaines de galaxies jusqu'à des très très grandes distances. Et puis pareil donc sur les exoplanètes, et puis on va encore améliorer ce qu'on fait sur le centre de la Voie lactée grâce à Gravity+. Très bien, bah c'est une parfaite transition pour parler des cas scientifiques justement de Gravity. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette interférométrie? Et du coup, bah, je propose d'écouter une légère capsule d'un jeune chercheur donc, qui va nous parler du cas scientifique des exoplanètes dont tu viens de nous parler, mais donc, qui ne sont pas ta spécialité. Et donc, c'est Mathias Novak qui travaille à Cambridge, que j'ai été interviewé du coup. Bonjour Mathias, tu es actuellement postdoc à Cambridge, d'où tu nous parles? Après ta thèse au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation astrophysique, donc comme moi et Thibaut, le LESIA, tu es un des laboratoires de l'Observatoire de Paris et tu as soutenu ta thèse il y a un peu plus d'un an, je crois. Bonjour. Bonjour. Et donc, si je voulais t'interviewer aujourd'hui, c'était parce que en fait, tu es aussi un gros utilisateur de l'instrument Gravity, comme Thibaut. Mais ta spécialité, c'est plutôt les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Voilà, donc si juste pour nos éditeurs, parce qu'on ne va pas parler trop des exoplanètes peut-être aujourd'hui, on va essayer de se concentrer vraiment sur l'interférométrie aujourd'hui, mais donc j'avais fait deux épisodes sur la question, le 160 en 2014, qui date un petit peu, mais où je décrivais les différentes méthodes d'analyse des exoplanètes, et le 406... spécifiquement pour les planètes découvertes en imagerie directe. Mais donc aujourd'hui avec toi, on va essayer d'être plus spécifique sur un peu sur Gravity. Est-ce que tu peux nous, mais quand même pour pas qu'on débarque au milieu d'un cheveu sur la soupe, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelles sont les principales méthodes de détection des exoplanètes en ce moment? Oui, bien sûr. Oui, je pense que c'est une bonne idée de commencer par ça. Donc en gros, il y a plusieurs méthodes qui sont actuellement utilisées pour, d'une part pour détecter et d'autre part pour caractériser les exoplanètes. Les deux méthodes qui ont donné le plus de résultats, en tout cas en termes de découverte, c'est la méthode des transits et la méthode des vitesses radiales. Donc la méthode des transits, les transits photométriques, donc ça consiste à observer la luminosité des étoiles et d'essayer de détecter une baisse de luminosité périodique due au passage d'une planète entre l'étoile et nous. Si on prend une étoile distante avec une planète qui orbite autour, si l'alignement est propice à ça, la planète passe devant l'étoile régulièrement, masque une partie de la lumière de l'étoile, et nous, de notre position, on constate une légère baisse de luminosité. Donc ça permet de découvrir des planètes et puis aussi de caractériser leur taille, par exemple. Donc c'est une méthode qui est très utilisée, en particulier il y a certaines missions spatiales qui sont dédiées à ça et qui ont découvert énormément de planètes de cette façon-là. Kepler étant, Kepler et Tess étant celle. Voilà, exactement. Il y a eu Kepler pendant un moment qui en a découvert plein, et puis maintenant il y a les données Tess qui sont analysées, et pareil, il y a beaucoup de planètes qui sont détectées comme ça. Et donc la deuxième grande méthode, c'est la méthode des vitesses radiales. Qui consiste là à mesurer ce qu'on appelle la vitesse radiale des étoiles, donc leur vitesse d'éloignement ou de rapprochement par rapport à nous. Et là, le principe, c'est que on dit souvent en fait que les planètes orbitent autour de leurs étoiles, mais c'est pas rigoureusement exact, puisque en fait, si on veut parler proprement, il faudrait dire que l'étoile et la planète orbitent tous les deux autour du centre de gravité du système. Ce qui veut dire que s'il y a une planète autour d'une étoile, l'étoile elle-même a un léger mouvement orbital, en fait, autour du centre de masse du système. Et ce mouvement-là, on peut le détecter en mesurant donc les vitesses radiales des étoiles. Et donc ça, c'est une méthode qui est extrêmement intéressante parce que notamment, c'est une méthode qui permet d'accéder à la masse des planètes. Ce qu'on ne peut pas, par exemple, obtenir avec les transits, on peut obtenir ça avec les vitesses radiales. Donc ça, c'est pareil. Donc c'est la méthode qui a été utilisée pour la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile de type solaire. C'est cette méthode-là, les vitesses radiales. Donc en 95, Mayer et Queloz, qui a valu le prix Nobel à Mayer et Queloz en 2000, enfin il y a 2 ans, et la découverte a eu lieu en 95. Voilà. Ouais, exactement. Donc ça, c'est deux méthodes qui ont quand même un point commun, c'est que c'est deux méthodes où en fait on n'observe pas du tout les planètes elles-mêmes. On n'observe que l'étoile. On observe soit sa luminosité, soit sa vitesse radiale. Il y a une autre méthode aussi qui commence à avoir de l'importance, c'est la méthode on dit d'astrométrie, où là c'est un peu similaire aux vitesses radiales. Si on veut bien, on cherche à détecter le mouvement de l'étoile induit par une planète autour, sauf qu'au lieu de mesurer les vitesses radiales, là on mesure vraiment la position de l'étoile sur le ciel en référence à d'autres étoiles autour, et on détecte ce petit mouvement en l'observant au cours du temps. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que toutes ces méthodes, elles ont un point commun, c'est qu'on observe vraiment que l'étoile. On n'observe pas du tout les planètes autour. On observe l'étoile et on déduit de certaines propriétés de l'étoile, de son mouvement ou de sa luminosité, la présence d'une planète autour. Et c'est ce qu'on appelle les méthodes indirectes, parce qu'on n'observe pas la planète directement. Et donc, à côté de ça, il y a aussi des méthodes directes, et donc notamment les méthodes d'imagerie à haut contraste. Je crois qu'ils ont donné les premiers résultats dans la deuxième moitié des années 2000, il me semble. Oui, c'est à peu près ça, la découverte, première découverte vers 2007-2008. Ouais. Où là, donc l'idée, c'est vraiment, cette fois, c'est pas d'observer l'étoile, c'est d'arriver à détecter directement la lumière des planètes. Alors, c'est pas du tout une tâche facile parce que en fait, le problème principal, c'est pas tant que les planètes sont peu brillantes ou quelque chose comme ça, puisque bon, finalement, en astronomie, on est assez habitué à observer des objets faibles. Donc, on a des grands télescopes, on fait des poses très longues, et puis on peut faire sortir des objets extrêmement faibles, comme ça. Là, le vrai problème, c'est que les planètes, elles sont très proches de leur étoile, et avec des rapports de contraste extrêmement élevés. Les planètes les plus massives et les plus chaudes peuvent avoir des contrastes de 1 sur 10 000, 1 sur 100 000 par rapport à leur étoile. Donc elles sont 10 000, 100 000 fois moins brillantes. Et ça peut aller jusqu'à 1 million, 10 millions, voire 1 milliard si on essaye de chercher des planètes comme la Terre avec ses méthodes directes. Donc ça veut dire qu'on cherche un objet qui est très peu brillant par rapport à l'étoile et qui est juste à côté. Et donc la conséquence de ça, c'est que si on observe avec un télescope normal, ben en fait la planète est noyée dans la lumière de l'étoile et on ne voit pas du tout la planète. Donc pour faire face à ça, ben il y a tout un tas de techniques, et notamment les instruments qu'on a actuellement pour faire de l'imagerie comme ça à haut contraste, ils utilisent ce qu'on appelle un coronographe, où le principe c'est d'avoir un petit masque opaque au foyer du télescope qui vient bloquer la lumière de l'étoile et qui permet en fait de faire disparaître artificiellement l'étoile des images et puis de voir les planètes autour. Alors, ça pose toute une panoplie de problèmes parce que, notamment, ça marche bien si l'image est très stable, mais si elle bouge un peu, il y a de la lumière qui déborde du masque coronographique et puis on ne voit toujours pas la planète. Donc, il faut utiliser ça en conjonction avec des méthodes, avec des techniques d'optique adaptative pour corriger la turbulence atmosphérique, stabiliser les images et être sûr que le résultat à la fin soit assez propre pour faire apparaître les planètes. Donc, c'est pas du tout facile, mais ça, il y a quand même des résultats avec ça. Il y a, je crois, 12 de planètes qui ont été comme ça observées directement. Donc, c'est pas du tout des planètes comme la Terre, c'est des planètes, c'est des géantes gazeuses qui font typiquement plusieurs masses de Jupiter et qui orbitent relativement loin de leur étoile. Donc, ça, c'est voilà, c'est une méthode beaucoup plus méthode directe où on a accès à la lumière de la planète elle-même. Et donc, depuis plus récemment, il y a aussi l'interférométrie longue base avec Gravity qui permet aussi d'avoir des observations directes. Alors, ce n'est pas de l'imagerie parce que c'est de l'interférométrie, mais c'est pareil, c'est des méthodes directes où on a accès vraiment aux photons de la planète eux-mêmes. Voilà, en gros, le paysage actuel des méthodes de détection d'exoplanètes. D'accord. Et donc, qu'est-ce que l'interférométrie apporte par rapport à toutes ces... Donc, je vois, donc, la première, tu y as répondu, c'est que c'est clairement déjà une méthode directe par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on a accès directement au flux de la lumière de la planète que tu cherches. Et par rapport, du coup, aux autres méthodes d'imagerie directe, qu'est-ce qu'on peut dire pourquoi exactement Gravity est intéressante ici? Alors, il y a, je pense qu'il y a deux aspects différents à mentionner. Il y a d'abord le fait que, parce qu'on utilise un interféromètre, donc on a accès aux bases interférométriques qui font typiquement pour l'interféromètre du très grand télescope une centaine de mètres, on a accès à des mesures au niveau de l'astrométrie de la planète par rapport à son étoile, donc de la position. Qui sont nettement meilleurs que ce qu'on peut faire en utilisant un seul télescope de 8 mètres de diamètre. Donc ça, déjà, on gagne typiquement un facteur 10 au moins sur la précision de la position mesurée de la planète. Donc ça, c'est un aspect très intéressant parce que du coup, pour les caractérisations d'orbite et des choses comme ça, c'est extrêmement important d'avoir des bonnes précisions sur les mesures de position. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que sur les orbites, on gagne vraiment quelque chose. Après, sur la caractérisation spectrale des planètes, donc obtenir le spectre lumineux de la planète pour pouvoir en déduire, je sais pas, la température, éventuellement la composition de l'atmosphère ou des choses comme ça. Là, finalement, l'interférométrie fonctionne un peu, ça fonctionne pas de la même façon, mais ça apporte la même chose que l'imagerie directe. On peut aussi avoir des spectres en imagerie directe. Il se trouve qu'actuellement, les instruments qu'on a, parmi les instruments qu'on a, Gravity est celui qui permet d'aller le plus proche de l'étoile. Simplement du fait des capacités techniques de l'instrument, avec la fibre optique qu'on utilise, etc., on peut arriver à observer plus proche de l'étoile qu'on ne peut le faire avec les générations actuelles d'imageurs à haut contraste. Ça permet d'aller chercher des planètes qui sont plus proches de leur étoile. Et d'avoir potentiellement, pour les planètes un peu plus éloignées, d'avoir potentiellement des spectres de meilleure qualité qu'avec les autres instruments. Et donc, en particulier cette année, tu as mené une publication sur une planète autour de l'étoile Beta Pictoris. Et donc, c'est un système que tu connais, je crois, très bien, Beta Pictoris. Est-ce que tu peux nous en parler et aussi, donc, pas simplement, je pense, vis-à-vis de ton rapport à Beta Pictoris, mais aussi c'est un système qui a une très longue histoire pour la recherche d'exoplanètes et en particulier en France aussi. Donc, est-ce que tu peux nous en parler de tout ça? Oui. Alors, Beta Pictoris, oui, c'est un système que je connais un peu parce que moi, j'ai... j'y ai consacré ma thèse, en fait, à ce système-là. Donc, pour être assez rapide, quand même, on pourrait en parler pendant longtemps. Il y a plein de choses à dire sur Beta Pictoris. C'est un système qui est assez formidable. Déjà, Beta Pictoris, donc, c'est une étoile de la constellation du Peintre dans l'hémisphère sud. C'est une étoile qui est assez brillante, une magnitude 3,5, il me semble. Donc c'est une étoile qui est assez brillante, qu'on voit très bien à l'œil nu. C'est une étoile qui est, dont on connaît l'âge, à peu près, disons. C'est une étoile qui est assez jeune, une vingtaine de millions d'années. Et donc c'est, il me semble, dans le milieu des années 80, c'est une étoile autour de laquelle on a découvert un disque. Donc un disque de gaz et de poussière autour de l'étoile. Et puis, bon, ça a été du coup énormément étudié, les structures dans le disque, la répartition de la matière, etc. Et il y avait plusieurs indications qu'il y avait probablement des planètes qui orbitaient dans ce disque. Et dans la deuxième moitié des années 2000, il y a eu une détection directe de Beta Pictoris B, donc d'une planète géante dans le système de Beta Pictoris. Donc une planète à la louche, une dizaine de masses de Jupiter, qui orbite à une dizaine d'unités astronomiques de l'étoile, donc typiquement d'orbite un peu similaire à celle de Saturne, quoi, en gros. Une unité astronomique, donc c'est la distance Terre-Soleil, du coup ça veut dire qu'elle orbite 10 fois plus loin de son étoile que la Terre n'orbite du Soleil. Ouais, voilà, exactement. Donc bref, voilà, donc on a un système qui est, avec une étoile qui est jeune, avec une étoile qui est brillante, donc relativement facile à observer, avec une planète qui a été découverte autour deuxième moitié des années 2000. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le système est vu par la tranche. On voit le système incliné, en fait le disque est complètement incliné, on voit par la tranche, donc ça veut dire qu'on peut l'étudier par spectroscopie de transit. En fait, on peut, la lumière qu'on reçoit de l'étoile passe au travers du disque, donc on peut étudier comme ça la composition du disque, enfin dire plein de choses sur la matière qu'il y a autour de l'étoile. Donc c'est un cas assez exceptionnel, parce que non seulement on peut étudier correctement le disque, on a la planète vue par imagerie directe, donc on peut étudier énormément de choses dans ce système-là. Donc en particulier, pour dire un mot là-dessus quand même, moi j'ai fait ma thèse, donc j'ai commencé ma thèse fin 2015, et donc à l'époque, cette planète-là, Beta Pictoris B, avait été caractérisée un petit peu, et on pensait qu'elle était sur une orbite qui transitait, donc la planète était censée passer devant l'étoile. Donc ça pareil, c'était un événement... très intéressant, puisque ça pouvait permettre d'observer déjà de mesurer la taille de la planète, la taille de Beta Pictoris B, et puis potentiellement de caractériser son environnement immédiat, quoi, par ces méthodes de transit. Donc moi, mon travail de thèse, ça a été en gros de construire un petit satellite, un CubeSat, pour pouvoir observer cet événement-là. C'était pas facile de l'observer avec d'autres instruments, parce que on connaissait pas la date exacte du transit. On avait typiquement une fenêtre de 6 mois où ça pouvait arriver. Donc c'est difficile de mobiliser des très grands télescopes constamment pour regarder la même étoile pendant 6 mois. Enfin, c'est même complètement impossible. Par contre, une petite mission, un petit satellite dédié à ça, c'était envisageable. Donc c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. Pareil, c'est quelque chose donc a été fait au LESIA, l'Observatoire de Paris. Donc finalement, on a lancé le petit satellite en question. Bon, pour des raisons techniques, ça n'a pas marché comme on l'a voulu. Donc on n'a pas eu ces observations que on espérait avoir. Et donc suite à quoi, on a décidé de faire autre chose, et donc d'observer Beta Pictoris B avec Gravity. Juste après en fait le transit, donc quand la planète était encore relativement proche de l'étoile, on a pointé la fibre de Gravity sur la planète, et on a fait comme ça une détection directe de Beta Pictoris B, qui nous a permis donc d'avoir des informations notamment sur la composition de l'atmosphère. Bref, donc ça donne un peu le paysage sur le système de Beta Pictoris. Et donc plus récemment, en 2019, il y a eu une publication par Anne-Marie Lagrange qui rapportait la détection d'une deuxième planète dans le système de Beta Pictoris, donc Beta Pictoris C, après Beta Pictoris B, donc à partir de données de vitesse radiale. Donc, des données obtenues en vitesse radiale sur l'étoile pendant une dizaine d'années, je crois, qui montrent, donc c'est... Alors, c'est pas du tout facile de faire ces mesures-là, parce que Beta Pictori, c'est une étoile jeune, donc c'est une étoile qui est assez active, du coup, les données sont pas mal bruitées du fait de l'activité stellaire elle-même. Mais bon, bref, au sein de ces données, il y a un signe clair de la présence d'une deuxième planète géante, Beta Pictori C, donc, qui orbite typiquement à entre 2 et 3 unités astronomiques de son étoile. Et donc c'est ça qui nous a poussé à faire une deuxième observation avec Gravity. Donc après avoir observé Beta Pictoris B, on a observé Beta Pictoris C avec l'instrument Gravity. Et donc spécifiquement avec Gravity, donc c'était la première publication d'exoplanètes à ce moment-là. Alors avec Gravity, bon, on a fait deux observations à peu près au même moment. On a observé une planète dans le système de HR 87-99, la planète E, et puis la planète Beta Pictoris B. Mais donc en fait, la première détection d'une exoplanète avec Gravity, c'est HR 87-99. Beta Pic B est venu juste après. D'accord. Et donc, Beta Pictoris C, donc qui est la troisième planète, a été la première, la première qui n'avait pas été vue en imagerie directe. Oui, exactement. Donc ça, c'est, je pense que c'est un des aspects intéressants de ce travail, quoi. C'est que c'est la première fois qu'on a effectivement une confirmation directe d'une planète détectée uniquement par vitesse radiale. Ouais. Très bien. Et je te remercie pour cette interview. Et j'espère que tu vas continuer à... Donc, tu continues à travailler sur Gravity, là, maintenant ? Oui, je continue à travailler avec Gravity. D'accord. À observer donc d'autres planètes géantes dans d'autres systèmes aussi, parce qu'il n'y a pas que Beta Pictoris. D'accord. Très bien. Et merci bien. Et puis, bonne chance pour tes futures recherches. Merci. Et voilà, donc après cet intermède exoplanète, nous revoilà à Paris, de retour avec Thibaut Pomard, qui va dans cette seconde partie nous parler plus précisément de trous noirs et de ce qu'on peut faire avec Gravity. Et du coup, on va y venir à ce qui a permis d'obtenir le prix Nobel cette année en physique. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est un trou noir ? Pas assez rapidement, parce qu'on va s'intéresser spécifiquement à un objet en particulier ce soir. Oui, alors, un trou noir, la façon dont j'aime bien introduire le sujet, c'est que d'ordinaire... Quand je lance un caillou vers le ciel, même si je le lance fort, il finit par retomber normalement. D'accord ? Ça, c'est la base. Par contre, si je lance mon caillou plus fort, il va monter plus haut et ensuite il va normalement retomber. Et il se trouve que si je lance le caillou vraiment très très très très fort, par exemple, je mets un moteur de fusée sous mon caillou et je lui donne une vitesse suffisante de... je crois 12 km par seconde, eh bien, mon caillou qui est au bout de la fusée, il ne va pas retomber. Il va aller dans l'espace, éventuellement, il va aller jusqu'aux confins de la galaxie. On a comme ça envoyé des sondes spatiales qu'on a réussi à sortir de la gravitation terrestre, et Voyager continue son voyage en dehors du système solaire. Et alors, cette vitesse limite qu'il faut donner au caillou ou à la sonde spatiale pour qu'elle s'échappe à l'attraction terrestre, c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Cette vitesse de libération, elle va dépendre de deux choses. Elle dépend de la masse de la Terre. Si j'avais une Terre qui fasse la même taille, mais plus massive, il faudrait envoyer le caillou plus fort pour arriver à l'éjecter. De la même façon, si je prends la Terre, mais je la compresse dans un volume plus petit, comme je vais être quelque part plus près du centre de la Terre, je vais aussi devoir lancer mon caillou plus fort pour qu'il s'échappe. Et en fait, alors là, j'ai pas la mémoire de la date exacte, mais il y a deux personnes dans les années 1750, 60, quelque chose comme ça, qui sont le révérend Mitchell en Angleterre et un petit peu plus tard Pierre-Simon Laplace en France, qui ont fait cette réflexion à partir tout simplement des lois de Newton, qui se sont dit, donc ils avaient la notion de cette vitesse de libération, et ils se sont dit, mais attendez, si j'arrivais à réunir la matière de plein de soleils et à former un super soleil avec de la matière normale, de la matière, le type de matière qu'il y a dans le soleil, et j'en fais une grosse boule qui fait, je crois, 500 fois la taille du soleil, mais dans ce cas-là, la vitesse de libération à la surface de cette étoile, elle vaudrait la vitesse de la lumière, parce qu'à l'époque, on connaissait aussi la vitesse de la lumière, on savait que la lumière avait une certaine vitesse. Et donc, dès cette époque-là, est venue l'idée que les astres les objets les plus massifs de l'univers pourraient bien être invisibles parce qu'ils piégeraient leur lumière, en fait. Et un trou noir, c'est ça. C'est un objet qui est tellement massif que la lumière ne peut pas s'en échapper. Elle va trop lentement pour s'échapper. Alors ça, c'est la vision classique, hein, en physique classique, du trou noir. Il se trouve qu'il y a un tout petit problème avec cette réflexion, c'est qu'en physique classique, la lumière n'est pas affectée par la gravitation. Maintenant, en attendant un tout petit peu jusqu'au début du XXe siècle, il y a un jeune homme qui s'appelait Albert Einstein qui a fondé une nouvelle théorie de la gravitation qui fonctionne très très bien et dans laquelle la lumière est affectée par la gravitation et le résultat c'est exactement le même. Même numériquement, c'est la limite, on trouve exactement la même. Donc, en relativité générale, un objet qui est petit et massif, eh bien, il y a un certain rapport taille diamètre sur masse. Quand on est en deçà de ce, quand un objet est plus petit que ce rapport, eh bien, il va piéger la lumière. C'est ce que nous dit la théorie, en fait. C'est ce que nous dit la théorie. Il va piéger la lumière et on a un trou noir. Donc, on a fait un épisode entier, si vous voulez, en 2015 avec Jean-Pierre Luminet à l'occasion de la sortie de son livre sur les trous noirs. Donc, c'est l'épisode 211, si vous voulez le réécouter, voilà. Et aujourd'hui, je voulais peut-être plus me concentrer sur un objet en particulier, donc Sagittarius A étoile. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cet objet et pourquoi est-ce qu'il est particulièrement intéressant ? Alors, cet objet... Alors d'abord, Sagittaire A étoile, on peut regarder un petit peu le nom. C'est Sagittaire A étoile. En 1932, je crois, il y a un certain Karl Jansky qui travaillait au laboratoire Bell pour faire de la télécommunication par ondes radio. Et on lui avait demandé, le laboratoire lui avait demandé, bon, d'étudier les sources de perturbations. Quelles sont les sources naturelles d'ondes radio qui vont un petit peu perturber les télécommunications. Et il a travaillé comme ça, je ne sais plus, un an ou deux, et il a trouvé trois types de parasites qui sont les... et qu'il a fini par identifier avec, premièrement, les orages proches, le tonnerre, la foudre. Deuxièmement, les orages lointains, toujours la foudre, mais plus lointaine. Et troisièmement, une certaine source qui passait dans le ciel... toujours à la même heure. Au début, il a pensé que ça devait être le soleil, et puis au cours de l'année, il s'est rendu compte que c'était pas fixe par rapport au soleil, mais fixe par rapport aux étoiles. Il a réfléchi, il a contacté des collègues astrophysiciens, et il s'est rendu compte que ça venait du centre de la Voie lactée. Et ce Sagittaire A, c'est cette émission, la toute première source radio extraterrestre qui a été découverte. Ça a été découvert de façon fortuite en 1932, et c'est ce Sagittaire A. Et il se trouve que, après les années 1930, l'instrumentation radio s'est beaucoup développé, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, tout simplement, où les antennes radio pour les applications militaires se sont énormément développées. Mais à la suite de la guerre, en fait, cette technologie a été réorientée vers le ciel et on a commencé à faire des observations avec des antennes uniques et aussi de l'interférométrie. À partir, je crois, des années 70, le VLA, le Very Large Array, est entré en fonctionnement, on en a déjà parlé tout à l'heure, et a permis de faire une carte de Sagittaire A, de cette source numéro A, dans la constellation du Sagittaire, d'ondes radio. Et sur cette carte, eh bien, on voit une espèce de forme de spirale à trois bras avec un point au milieu. Et le point au milieu, c'est ça, Sagittaire A étoile. C'est le truc qui a l'allure d'une étoile au cœur de la source Sagittaire A. Et juste pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Sagittaire A? Parce que c'était la première source, donc la lettre A, dans la constellation du Sagittaire. D'accord. La première source détectée. Hein, et c'est aussi la plus brillante, de fait. C'est pour ça que c'est la première à avoir été détectée. Et dès cette époque-là, donc les trous noirs, la prédiction qu'il pouvait exister des trous noirs elle date de peu de temps, en fait, après les travaux d'Einstein. C'est pas lui qui l'a fait, c'est Schwarzschild, et c'est tout un tas de monde après lui qui ont prédit que la théorie d'Einstein... dans la théorie d'Einstein, il peut exister des configurations de l'espace-temps dans lequel, voilà, qui représentent des trous noirs. Et dans les années 70, donc c'est longtemps après ces premiers travaux théoriques, on s'attendait déjà à trouver au cœur des galaxies, on se dit c'est là qu'il doit y avoir le maximum de concentration de masse. Par ailleurs, je ne suis pas très sûr de la date exacte de la détection des quasars, mais c'est aussi dans ces années-là. Donc assez rapidement, on s'est dit une source brillante, très petite, très brillante en radio, il y a des chances que ce soit un trou noir. Donc depuis les années 70, on a observé cette zone. Alors quand je dis « on », moi, en 70, j'étais pas né. Hein. Mais « on », de façon générique, les astrophysiciens ont observé cette zone. Ils ont vu d'abord cette forme de spirale qui tourne autour qui tourne très lentement, mais on peut mesurer la vitesse dans ce flot de matière qui a cette forme de spirale. Et en fait, cette forme de spirale, ce sont des flots de gaz qui sont animés d'un mouvement de rotation autour de cet objet central. Voilà. Donc, en analysant les vitesses de ces flots de gaz, on peut commencer à donner une masse à cet objet qui est au centre. Dans les années 70, on a commencé aussi à voir les étoiles qui sont très proches de cet objet central. Très proches, c'est-à-dire dans, on va dire, le parsec central. Un parsec, c'est une unité de longueur, ça fait un petit peu plus de 3 années-lumière. Ce qu'il faut voir, c'est que l'étoile la plus proche de la Terre se situe à peu près 4 années-lumière. Et dans le centre de la Voie lactée, dans ce volume, voilà, autour de la Terre, si on prend un volume de 1 parsec autour du Soleil, il y a une étoile, le Soleil. Dans le centre de la Voie lactée, autour de Sagittaire A étoile, si on prend un volume d'1 parsec de diamètre, il y a en fait des milliers d'étoiles. Il y a des milliers d'étoiles. On a commencé à les découvrir dans les années... 70, on a affiné les méthodes, la résolution des télescopes au cours des années 80 en particulier. On a commencé vraiment à voir de façon séparée toutes ces étoiles. Dans les années 92, il y a l'équipe de Reinhard Genzel, avec une personne qui était à l'époque son étudiant, Andreas Eckart, qui ont découvert des étoiles très très proches du trou noir, enfin très très proches de cet objet central. Et voilà, ça, à partir de là, l'équipe d'Andrea Ghez aussi est entrée dans la danse, et régulièrement, chacune des deux équipes a annoncé la détection de mouvements de ces étoiles qui bougent, et puis ensuite d'accélération de ces étoiles, et à partir du moment où on mesure une accélération, on mesure une force, si on mesure une force, on mesure une masse, et en 2002, on a un autre étudiant de l'équipe de Reinhard Genzel, qui s'appelait Rainer Schödel, qui a publié un papier dans Nature, où il avait pour la première fois la reconstruction complète de l'orbite d'une des étoiles très connues, qui s'appelle S2, dans la nomenclature allemande de l'équipe de Genzel, S0-2 dans la nomenclature de l'équipe américaine d'Andrea Ghez. Et cette étoile, elle fait le tour, elle fait un tour complet en 15 ans. Elle passe au plus près à 17 heures-lumière de l'objet central, c'est-à-dire que la lumière met 17 heures pour aller de l'étoile au trou noir, par exemple, quand elle passe au plus près, ce qui correspond en fait à peu près à la taille de notre système solaire, donc c'est à l'échelle de la galaxie, c'est très petit. En comparaison, le centre de la Voie lactée se situe à 25 000 années-lumière de la Terre, donc 17 heures-lumière par rapport à 25 000 années-lumière, c'est... Voilà, c'est le rapport de temps pour la lumière pour traverser ces zones-là, mais c'est le rapport de distance qu'on est en train de regarder. Donc la mesure de cette orbite en particulier, de toutes les orbites de ces étoiles autour de cet objet central, ça a permis de donner une masse très précise à cet objet, c'est-à-dire plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Et ça a aussi permis de fortement affiner l'estimation de la distance justement entre la Terre et cet objet central et cette zone centrale. Par contre, il y a ce qu'on appelle une dégénérescence entre ces deux paramètres, c'est-à-dire que il y a tout un tas de solutions possibles avec soit un petit peu plus près, un petit peu moins massif, soit un petit peu plus loin, un petit peu plus massif. Voilà. Donc si vous lisez les papiers de l'époque, c'est plutôt 3,6 millions de masses solaires, mais c'est lié en fait à cette incertitude sur la distance. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'on... pardon, je t'interromps pour... parce que tu nous as fait 20 ans d'un coup là, mais à quel moment en fait, à quel moment intervient en fait l'idée que cet objet central c'est un trou noir? Est-ce que... Je pense qu'en 2002, quand on publie ce papier-là, je pense qu'on sait à peu près ce qu'on cherche, non? Mais entre les années 30 et les années 2000, vers quel moment on commence à se dire c'est peut-être un trou noir? Comme je te dis, dès le début. Dès le début, on se dit c'est peut-être un trou noir. Et toute cette histoire-là que je vous ai racontée, c'est des progrès pour essayer de le démontrer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sens strict, c'est pas fait, le fait de prouver que c'est un trou noir. Ce qu'on prouve, c'est que c'est très très très compatible avec un trou noir et c'est très peu compatible avec la plupart des autres hypothèses qu'on peut avancer, en fait. Voilà, donc quand on est dans les années 2002-2003, on a observé deux choses. On a ces étoiles qui tournent autour de cet objet central sur des orbites qui sont à l'époque parfaitement keplériennes, c'est-à-dire la mécanique de Newton explique parfaitement les mouvements de les observations. On a cet objet qui est par contre très massif, qui est dans un volume très petit, hein, j'ai dit 17 heures-lumière, c'est un truc de 4 millions de fois la masse du Soleil, qu'on ne voit pas et qui est plus petit que le système solaire, c'est quand même très compact. Donc, très probablement, c'est un trou noir, mais il y a encore des configurations de la matière à cette époque-là qui pourraient marcher. En 2003, ce qu'on observe, c'est que, en plus de ça, une fois de temps en temps, à peu près une fois par jour, on a une émission, comme une émission de matière qui vient de très près du trou noir. On ne sait pas ce que c'est exactement que cette émission à l'époque. On sait que ça vient de très près du trou noir et que c'est très énergétique. Ça fait que cette zone très très près du trou noir, elle devient plus brillante qu'une étoile, et une étoile c'est déjà très brillant. Et du coup, à cette époque-là, en 2004, on commence à se dire, bon, bah, le VLT il vient de sortir en 2000, et là, en 4 ans, on a fait tout ce qu'on pouvait avec. On a sorti les orbites des étoiles, on a vu ce truc qui clignote. Et c'est pas suffisant. On pourra observer pendant 20 ans de plus avec le VLT, on n'apprendra pas grand-chose de plus. Alors c'est pas strictement vrai, bien sûr que sur 15 ans de plus, on a appris des choses en plus, mais on n'a pas transformé la science avec le VLT. tout seul avec un télescope du VLT, ce qui était utilisé à cette époque-là. Et en fait, on s'est dit, et alors là, je suis assez fier, parce qu'à l'époque, j'ai participé à ces réunions dans le bureau avec Reinhard Genzel. Qu'est-ce qu'on va faire avec le VLT-I ? Maintenant, il y a cet interféromètre qu'on n'a pas encore utilisé, nous, sur le VLT. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et ben, on s'est creusé les méninges et on s'est dit, bah ouais, avec le VLT-I, on va pouvoir mesurer la position de ces étoiles avec une précision plus de 1000 fois meilleure. On va pouvoir, ces fameux sursauts, on va pouvoir mesurer leur mouvement propre, savoir où ils sont beaucoup plus précisément par rapport au trou noir, voir si c'est quelque chose qui est en train d'être éjecté du trou noir, voir si c'est quelque chose qui tourne autour du trou noir. Et si on a de la chance, on verra carrément des effets de lentilles gravitationnelles sur le mouvement de ces machins qui peut-être sont en train de tourner autour du trou noir. Les effets de lentilles gravitationnelles, c'est quelque chose que les amateurs d'astrophysique doivent connaître en principe. C'est tout simplement que quand la lumière passe à proximité d'un trou noir ou d'un objet très massif, la lumière ne va pas en ligne droite. Du coup, les images sont déformées comme si on avait une lentille pour déformer les images, en somme. Et donc, le début du projet Gravity, c'est 2004. Et à partir de là, on a dit, voilà, le VLTI nous permettra de faire ces mesures, mais pour y arriver, il nous faut un instrument qui va bien au-delà de ce qui existe déjà sur le VLT. Et en particulier, il faut qu'il soit refroidi, il faut qu'il soit énormément plus sensible que ce qui existe. Il faut qu'on aille chercher des sources qui font une magnitude qui sont extrêmement faibles par rapport à ce qu'on sait observer à l'heure actuelle avec le VLTI. Donc ça a tout simplement déclenché 10 ans de travaux jusqu'à 2015 pour concevoir puis construire l'instrument. Et Gravity, on l'a amené sur le VLT, sur le VLTI en 2015, et depuis on observe effectivement le centre de la Voie lactée. Et effectivement, on a pu mesurer de façon bien plus précise la position des étoiles, on a pu mesurer de façon bien plus précise la position des sursauts, et on a effectivement vu bouger ces sursauts, et on les a vus bouger en arc de cercle autour du trou noir, très très près du trou noir. Alors je dis, voilà, je me permets de dire trou noir, même si la preuve absolue n'est toujours pas faite que c'en est bien un, mais ces sursauts qui tournent si près du trou de cet objet central, ça donne quand même une très très forte contrainte. Cet objet, il est extrêmement petit. Les 4 millions de masses solaires, ils sont vraiment compris dans quelque chose qui doit faire l'orbite de la Terre ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est à ce niveau-là. Mais tu dis qu'on n'est pas encore tout à fait su... Enfin, ça se réduit de plus en plus la possibilité que ce soit autre chose qu'un trou noir, mais tu dis que formellement, on n'est pas encore arrivé à ce rayon dont tu parlais au début, qui serait ce rayon du diamètre, ce rapport du diamètre divisé par la masse, qui serait une preuve irréfutable du trou noir. Exactement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démarche scientifique... elle ne va pas se contenter d'un a priori pour quelque chose d'aussi étonnant qu'un trou noir quelque part. J'ai cette phrase en tête qu'une hypothèse vraiment compliquée a besoin de preuves vraiment, vraiment dures. Une hypothèse extraordinaire demande des preuves extraordinaires, oui. Exactement. Sagan, je pense. Et on est quand même en train de parler d'un objet qui piège la lumière et malgré tout, même si les astrophysiciens ont travaillé avec ce concept tous les jours, donc ça n'a plus grand-chose de bizarre, c'est bizarre en fait. Quand on fait un pas sur le côté, c'est bizarre. Et puis non seulement ça, mais en plus cet objet, quand on regarde un peu, quand on essaie de regarder ce qu'il y a sous le voile, ce qu'il y a au cœur de cet objet, et ben, c'est pas joli joli. En plus d'avoir un horizon des événements, c'est-à-dire cette frontière qu'on ne peut franchir que dans un sens, cet objet... En son cœur, il doit y avoir un infini de densité. Et les physiciens dans leur ensemble, je crois, ont une allergie à l'infini. On n'aime pas ça, on n'aime vraiment pas ça. Disons que qu'est-ce qui arrive à la matière au cœur d'un trou noir ? Personne n'est capable de le dire, mais personne. Parce que la matière ne pouvant pas garder de configuration stable, toute la matière qui tombe dans un trou noir doit se retrouver dans cette zone infiniment mince. Et ça, c'est pas possible. Donc, on sait bien que, quelque part, il va falloir à un moment faire évoluer la théorie. Alors, on a quand même on a cette intuition qui est que ça devrait arriver au moment où on va réussir à mêler ces deux théories qui, pour le moment, ne fonctionnent pas ensemble, qui sont la relativité générale et la mécanique quantique. On se doute que c'est dans le mélange des deux, quand les deux fonctionneront ensemble, que ça va marcher. Mais moi, je ne suis pas un théoricien, moi, je suis un observateur. Je vois un truc qui devrait être un trou noir, c'est en allant regarder précisément autour de cet objet-là, au plus près possible des zones bizarres, qu'on a des chances de trouver des contraintes sur cette prochaine théorie qui nous permettra enfin de comprendre ce qui va se passer au cœur du trou noir, qu'est-ce qui va arriver pour éviter qu'il y ait cet infini de densité, etc. etc. Et du coup, il existe encore, si je vais demander à mes amis théoriciens, ils me disent, bah oui, si je rajoute une dimension par-ci, ou que sais-je par-là, un champ scalaire au milieu, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, ton objet, je te l'explique, sans horizon des événements, c'est une étoile bosonique, ou c'est quelque chose d'autre. Donc il existe des configurations de matière, ou des théories alternatives, qui permettraient d'expliquer les observations, en évitant ces propriétés qu'on n'aime pas, d'horizon des événements. L'horizon des événements, c'est pas le truc qui me perturbe le plus personnellement, mais et c'est ça qui est caractéristique d'un trou noir. Mais c'est l'infini au milieu. Donc ce qu'on cherche en fait, quand on va regarder cet objet central, ce sont des contraintes, c'est d'aller, on va essayer de mettre en défaut la théorie actuelle, bah, pour juste donner des, pour aider les théoriciens à regarder, c'est dans cette direction-là qu'il faut regarder. Si vous arrivez à expliquer ça, ça vous donnera des pistes. Et pour le moment, bah, on n'a pas de chance. Hein. Tout ce qu'on a fait, ça fonctionne très très bien avec la théorie de la relativité générale, avec le fait que c'est un trou noir, etc. Donc là, tout ce qui a été fait, donc, tu veux dire avec Gravity, donc dans les 5 dernières années, est toujours très bien expliqué par une théorie de la relativité, j'ai envie de dire, classique. Enfin, c'est un peu paradoxal. Voilà. Et par exemple, on a fait deux mesures qui sont très intéressantes. On a mesuré le rougissement gravitationnel, c'est-à-dire que cette étoile S2, on mesure aussi son spectre, hein, c'est-à-dire les couleurs que contient cette étoile, les couleurs qui manquent, les raies d'absorption, ce genre de choses. Et ce qu'on voit, c'est que quand cette étoile se rapproche du trou noir, donc en fonction de la date, il y a des moments où elle est loin du trou noir, des moments où elle se rapproche. Et quand elle est proche du trou noir, eh bien, son spectre est entièrement décalé vers le rouge. Et ça, c'est quelque chose qui se rajoute à l'effet Doppler qui est bien connu, qui est purement lié à la vitesse apparente de l'éloignement ou le rapprochement d'un objet par rapport à vous. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut expliquer de façon assez classique, c'est que la lumière qui est émise près d'un trou noir, elle doit s'échapper du potentiel gravitationnel, alors elle ne peut pas ralentir, elle va perdre de l'énergie, tout comme n'importe quoi, mon caillou qui retombe, c'est parce qu'il perd de l'énergie. La lumière elle-même va perdre de l'énergie en s'échappant du potentiel gravitationnel du trou noir, elle ne peut pas ralentir parce que elle a une vitesse qui est la vitesse de la lumière et qui ne change jamais. Par contre, sa façon de perdre de l'énergie, c'est de devenir un petit peu plus rouge. Ça, on l'a mesuré de façon... c'est quelque chose qui a déjà été testé dans d'autres environnements. Mais c'est la première fois qu'on mesure ça dans le champ gravitationnel d'un trou noir, aussi près d'un trou noir, et de façon aussi claire, avec vraiment le spectre de l'étoile qui change de couleur, en somme. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que les orbites, je vous disais qu'en 2002, elles étaient parfaitement keplériennes, parfaitement décrites par les lois de Newton, et ce n'est plus le cas. Avec les quelques années d'observation avec Gravity, on a publié cette année un article où on montre bien que il faut plus que la relativité générale. On voit ce qu'on appelle la précession. C'est comme si on avait l'orbite de Newton, mais qui, à chaque fois que l'étoile passe très près du trou noir, se décale, fait un tout petit décalage, comme une rosace au final. Ce mouvement de précession est très lent, mais on l'a mesuré grâce à Gravity. Et ça, du coup, ce mouvement de précession, c'est quelque chose qui est prévu par la relativité générale, mais pas par la théorie gravitationnelle de Newton. Et donc, exactement. Voilà. Mais donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est très en accord avec... Vous espériez peut-être trouver quelque chose qui ne soit pas en accord avec Einstein pour... C'est toujours plus intéressant si on trouve quelque chose qui ne marche pas, oui. Oui, d'accord. Donc, jusqu'à maintenant, ça marche. Donc, tu nous as un tout petit peu parlé tout à l'heure de Gravity, de Gravity Plus. Est-ce qu'on pourra aller encore plus près avec Gravity Plus sur ce trou noir central? Alors, Gravity Plus va apporter des choses sur le trou noir central qui sont peut-être un tout petit peu techniques, parce que le cas principal pour Gravity Plus, ce n'est pas ce trou noir central, ce n'est pas celui-ci de trou noir. Alors, on va gagner quelque chose avec Gravity Plus parce que, pour des raisons un petit peu techniques, on aura des données de meilleure qualité, plus fréquentes, on verra plus de sources de sursauts du trou noir, on aura une qualité de données qui sera plus constante et donc une stabilité de l'instrument qui sera meilleure. Donc on va gagner. Ça ne va pas transformer la science qu'on fait sur le trou noir central, mais ça va améliorer ce qu'on va faire sur le trou noir central. Le cas scientifique principal pour Gravity Plus, c'est d'aller regarder des trous noirs lointains. Comme je le disais, on a vu avec Gravity du gaz en fait tourner autour de trous noirs dans d'autres galaxies, mais on reste sur des galaxies qui sont relativement proches à l'échelle de l'univers. Et avec Gravity Plus, en étant 100 fois plus sensible, on va pouvoir aller voir des galaxies qui sont lointaines, en particulier les galaxies qui se situent à l'échelle de l'histoire du cosmos, au pic d'activité des galaxies, là où la plupart des trous noirs sont actifs, là où la plupart des étoiles se forment, etc. Et on va même pouvoir aller voir, mesurer la masse de trous noirs dans des galaxies qui sont très très très très très anciennes, donc quelques galaxies qui sont très peu de temps, en fait, après le Big Bang, les toutes premières galaxies. En fait, il y a quelque chose quand même qui est... Ça, c'est un petit peu, pour moi, un des mystères importants dans l'astrophysique moderne. C'est que les galaxies se forment extrêmement rapidement après le Big Bang, à l'échelle de l'univers. Et extrêmement rapidement, il y a au cœur des galaxies des trous noirs qui sont supermassifs. Et ça, quelque part, on ne sait pas dans quel ordre ça se passe. Est-ce que les galaxies se forment d'abord et leur cœur s'effondre en trous noirs? Ou est-ce que d'abord il y a des trous noirs qui attirent les galaxies autour d'eux? Ou est-ce que les deux se forment en même temps? Intuitivement, c'est plutôt cette dernière hypothèse qui fonctionne. Mais dans le détail, on ne sait pas comment ça marche. Comment ça se fait que ces galaxies se forment si vite et que ces trous noirs se forment si vite? C'est peut-être bien lié d'ailleurs avec la question de la matière sombre qui... voilà, l'image qu'on a toujours un peu en tête, c'est que 90% de la masse de l'univers, on ne sait pas ce que c'est. Et il se trouve que c'est cette masse dont on ne sait pas ce qu'elle est qui structure l'univers dans son ensemble. Donc, on a fait aussi un épisode sur la matière sombre. On ne va pas commencer là-dedans à 22h30, mais... Attends, j'ai juste une question qui n'a rien à voir. Mais est-ce qu'on doit dire la matière sombre ou la matière noire? Moi, j'aime bien sombre. Parce que noir, c'est une couleur. Ok. C'est vrai que la traduction... Un trou noir, on dirait un trou sombre aussi. Oui, parce qu'il faut avoir une nomenclature cohérente, sinon on ne suit pas. Ouais. Sombre, ça dit bien, on n'y comprend rien. Il y a un côté obscur, la matière obscure, ça serait pas mal. Et sinon, j'aimerais quand même donc bien faire remarquer, j'ai pas voulu interrompre avant, mais que on est bien d'accord que les physiciens ont horreur de l'infini, et que c'est quelque chose qu'il va falloir expliquer aux gens qui font de la vulgarisation de la physique en parlant de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Pardon, c'est une obsession personnelle. Je vois vraiment c'est pas de quoi tu parles. C'est une obsession de Robin qui déteste que les physiciens disent l'infiniment petit. Ce qui est vrai, les physiciens n'aiment normalement pas ça. Mais c'est une expression, un cliché de vulgarisateur. Et ouais, je voulais finir sur cette interview parce que y a un autre trou noir un peu dont on a beaucoup parlé qui vous a un peu volé la vedette récemment, qui est cette photo qu'on a pris, enfin cette photo de trou noir qu'on a pris en interférométrie radio, qui est le trou noir au centre de la galaxie donc Messier 87. Donc c'est pas le même qu'on a pris en qu'on a fait en interférométrie radio. Donc pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est plus facile à faire en optique et l'autre qui est plus facile à faire en radio? Et est-ce que les deux instruments sont complémentaires? Est-ce qu'ils vont finir par observer les deux mêmes objets et puis être complémentaires? Alors je pense que le HT cherche à observer SGR étoile, enfin Sagittaire à étoile. Les données, la qualité des données qu'ils avaient par le passé n'était pas suffisante. Et il y a eu un truc en 2020 qui a fait qu'ils n'ont pas dû pouvoir beaucoup observer, tout comme nous, en 2020, on n'a pas fait beaucoup d'observations. Pour une raison X ou Y, tous les observatoires du monde étaient fermés cette année. Oui, c'est complémentaire. Les deux sont très complémentaires. On a deux façons d'aborder ces objets. Donc les trous noirs, ils sont noirs, ce sont des astres sombres, on pourrait dire même. Le trou noir lui-même, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est toujours la matière qu'il y a autour, ou la matière qu'il y a derrière. Il y a même un des Star Wars où on voit ça. On se dit, mais tiens, pourquoi elle bouge comme ça cette étoile? Mais c'est parce que forcément, il y a une étoile ici. Et c'est comme ça qu'il sait qu'il y a, je ne sais plus si c'est Camino qui est à cet endroit-là. Bon, c'est exactement comme ça qu'on sait. Et ça, d'ailleurs, le révérend Mitchell, il l'avait déjà dit dans les années 1700 quelque chose. Les trous noirs, même si on ne les voit pas, ces astres sombres, on pourra les détecter quand même s'il y a quelque chose qui tourne autour. Et on a plusieurs façons de regarder les choses qui tournent autour. Nous, avec Gravity, on regarde avec une précision diabolique le mouvement propre d'étoiles, donc d'objets, enfin d'étoiles ou des sursauts autour du trou noir. Donc quelque chose de petit qui se déplace dans le champ de gravitation et on peut faire des mesures extrêmement précises à un endroit donné. Ça donne quelque chose qui est très riche, qui est un peu difficile à représenter. C'est pas aussi joli à regarder qu'une belle photographie en noir et orange. Mais ça donne des informations qui sont super précises et super utiles. Et quand je dis précision diabolique, on parle de l'ordre de 10 microsecondes d'angle, ce qui quand même représente l'épaisseur d'un cheveu vu à 1000 km de distance. Ou encore la taille, voilà, la précision avec laquelle on mesure le mouvement de ces étoiles, ça correspond à peu près à la taille apparente du trou noir sur le ciel. C'est aussi, donc c'est 10 ou 20 microsecondes d'angle, c'est la taille d'une pièce de 2 euros posée sur le sol de la Lune, vue depuis le sol de la Terre. C'est très petit, c'est vraiment très petit. Donc nous, on est capable de mesurer avec cette précision-là les mouvements d'étoiles dans le champ de gravitation, et comme on parle de gravitation et de mesurer vraiment les lois de la gravitation, c'est très utile de mesurer les orbites d'étoiles. C'est une très bonne façon de le faire. Le HT ne mesure pas ça, pas de façon directe. Par contre, eux, ils font des images à cette précision-là. Alors, dans ces images, ils ne vont pas voir directement une étoile ou autre qui tourne, ils voient le gaz, en gros, le gaz. Alors, c'est intéressant parce que sur leurs images, on voit quelque chose qui est très compatible avec l'idée que c'est un trou noir. On voit une structure qui a un trou au milieu. Et on a même vaguement l'impression de voir qu'il y a des effets de lentilles gravitationnelles qui sont compatibles avec ce que Jean-Pierre Luminet a fait, je crois que c'était 1979, son image qu'il avait faite à l'encre de Chine sur une feuille de papier. C'est complémentaire, c'est deux tests qui vraiment valident que ce qu'on voit, c'est tout à fait compatible avec les modèles. Personnellement, sur une image, le truc, c'est que c'est extrêmement compliqué de mesurer de façon précise que ce soit un mouvement ou vraiment ou même un effet de lentille gravitationnelle. Donc vraiment les deux sont tout à fait complémentaires. Il n'y en a pas un des deux qui est meilleur que l'autre, il faut faire les deux, c'est indéniable. Ensuite, alors est-ce qu'on va observer les deux tous les deux le même, oui, mais oui, l'EHT essaie d'observer Sagittaire à étoile. Je crois savoir qu'ils ont des données, mais en tout cas, ce n'est pas encore publié. C'est peut-être pas facile, parce que, tout simplement, c'est pas sûr qu'il y ait ce gaz autour du trou noir central. C'est pas sûr qu'il y ait ce gaz de façon stable qui permette à l'EHT de faire son travail. On sait qu'il y a des étoiles, on sait qu'il y a les sursauts, ça on les voit avec Gravity. C'est pas complètement certain qu'il y ait ce gaz qui permette de faire la même image qu'autour de M87. Peut-être que dans un an, ils vont nous le publier et qu'on saura. Mais moi, je ne sais pas encore si c'est le cas. Nous, est-ce qu'on va observer M87 étoiles? Je ne crois pas, parce que c'est beaucoup plus loin et on ne voit pas les étoiles. Nous, c'est les étoiles qu'on peut observer. Et c'est tellement loin qu'on ne va pas pouvoir regarder les étoiles là-dedans. Nous, ce qu'on pourrait regarder, par contre, c'est du gaz. Et on pourrait regarder comment le gaz tourne. Mais on n'a pas la même résolution que l'EHT, pour le coup. D'accord. Ok. Et merci bien pour toutes ces informations. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui, je vois qu'il y avait une question sur le. Donc, Gravity, est-ce que c'est un projet uniquement européen? Gravity, c'est européen, oui. C'est surtout franco-allemand. C'est l'équipe D'accord. de Genzel, plus notre laboratoire, le Lesia et l'IPAG, un institut à Grenoble. Plus d'autres laboratoires en Allemagne et une contribution au Portugal. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres projets d'interféromètres en construction? Et une question que je gardais pour la fin, est-ce qu'un jour on fera de l'interférométrie spatiale? Alors, des interféromètres en construction, j'en ai pas connaissance. Des projets, il y en a forcément plein les cartons. L'expérience de le VLTI, il est arrivé presque par hasard. C'est que dans les années 80, on voulait faire un télescope de 16 mètres de diamètre et c'était trop compliqué. Alors au lieu de faire 16 mètres, on a décidé de faire 4x8, parce que 4x8, 16, quand on met au carré, attention. Et à partir de là, il y a des gens comme Pierre Léna qui sont dit, attention, si vous faites 4 télescopes, vous les mettez comme ci, comme ça, et vous faites un interféromètre. Et ça a marché. Il se trouve que l'ELT, le prochain télescope, on va le faire directement de 39 mètres et on ne va pas en faire un interféromètre. Bon. Par contre, de l'interférométrie dans l'espace, on y a déjà pensé. Il y a eu des projets, je ne sais pas trop où on en est, ça ne me paraît pas pour le futur très très proche. Mon avis, c'est qu'un jour ou l'autre, on va y arriver. Mais attention, parce que pour gagner par rapport à ce qu'on fait sur Terre, il faut être capable de faire des grands télescopes qui font du vol en formation et qu'on connaisse, dont on maîtrise parfaitement la position les uns par rapport aux autres, donc avec des jeux de laser, une télémétrie pour savoir exactement où ils sont les uns par rapport aux autres. C'est pas simple. Et oui, ça a été un grand projet des années 2000 qui a été abandonné. Alors, oui, il y a eu des projets dans les années 2000 et en particulier, je me demande si Gaïa au départ n'était pas... S'il n'y a pas eu un projet, je fais peut-être erreur. Par contre, on peut aussi chercher dans l'infiniment petit des télescopes. Et on a au Lesia quelqu'un de très très bien qui s'appelle Sylvestre Lacour, qui a travaillé aussi sur Gravity, et qui a lancé un tout petit satellite pour faire de la photométrie je crois que c'était Beta Pictoris, hein, c'est ça. Et lui, pour lui, ce projet-là, c'était un démonstrateur de tout petits satellites. Mais son projet, c'est d'en lancer 5 ou 6 et de faire de l'interférométrie avec des tout petits télescopes pour les étoiles, pour avoir un interféromètre spatial qui va avoir des cas scientifiques, peut-être pas des dizaines de cas scientifiques, mais il pourrait faire une petite expérience comme ça et avoir une énorme précision sur Betelgeuse, sur une étoile très brillante ou sur Betapic. Très bien. Et le Betapic, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Mathias Novak. Merci beaucoup, Thibaut. Je te l'ai écrit ce matin un peu tard, est-ce que tu as préparé une citation? Oui, j'ai préparé une citation. Parfait. Je vais vous souhaiter à tous de vivre des temps intéressants. Et je dis ça pour diverses raisons. Au niveau scientifique, en ce moment, c'est une période vraiment très intéressante parce que il y a Gravity qui est arrivé, il y a les résultats de l'EHT sur M87. On n'en a pas parlé, mais il y a des résultats en ondes gravitationnelles sur des trous noirs binaires qui se rentrent les uns dans les autres. Et ça, c'est fantastique. On est en train vraiment... C'est la concrétisation de recherches sur les trous noirs qui sont plus vieilles que moi, clairement. Ensuite, cette année 2020, elle est très particulière et c'est une époque vraiment intéressante. Donc, tâchons d'en tirer le meilleur parti. Voilà. Très bien. Donc, puissiez-vous vivre des temps intéressants. S'il y a un auteur en particulier, ça me dit quelque chose, mais je l'ai déjà entendu, mes chers. Oui, alors on raconte que c'est une malédiction d'origine chinoise. J'ai vérifié dans Wikipédia, a priori c'est pas le cas. Est-ce que c'est d'Einstein? C'est une phrase qui est assez connue, en particulier en anglais, et qui serait d'un certain Chamberlain, dans la famille Chamberlain, qui en fait a conçu plusieurs personnes. Mais c'est une erreur, ce n'est pas d'origine chinoise. C'est d'origine tout à fait européenne, cette idée de vivre des temps intéressants. Ce qui ne veut pas dire simple. Oui, c'est pas la même, oui. C'est pas équivalent avec heureux, clairement. Je pense qu'on vit des temps intéressants, comme tu dis. Très bien, bah merci beaucoup. On va rappeler le quiz du mois. Léa. Oui, puisqu'on arrive vers la fin de l'émission, on vous rappelle que nous avons une question brûlante pour le quiz du moment, en ce moment. Donc la question est la suivante. La lune influence le cycle menstruel, info ou intox? Voilà, donc je ne sais pas ce que les présents, ici présents, en pensent. Thibaut, qu'en penses-tu? Je ne sais pas. je remarque qu'au niveau de la période, ça colle, mais je ne sais pas. Très bien. On a la validation de la synchronisation de la période de 28 jours, du coup, avec le cycle lunaire par un astrophysicien, si c'est pas beau, ça. Et Robin, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que les cycles menstruels sont bien trop compliqués pour être influencés par la Lune. Ça serait beaucoup plus régulier s'il y avait vraiment une grosse influence de la Lune. Ouais, peut-être. En tout cas, si vous, les auditeurs et auditrices, vous avez une idée sur la question, vous pouvez nous écrire à podcastscience@gmail.com pour nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux aussi. Et réponse dans la prochaine émission Roue Libre. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission dédiée à l'interférométrie. Merci encore, Thibaut, d'être venu nous en parler. Donc c'est une technique de pointe qui, on l'espère, vous paraît un peu plus concrète maintenant. Longue vie à Gravity, qui devrait nous permettre d'en savoir toujours plus sur le vaste univers qui nous entoure et de vivre prochainement des temps encore plus intéressants. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, que servir la science soit votre joie.